Ball Sénégal. Si ça wanda voras, le carnaval. Quoi qu'on en dise là, la mondialisation rime avec manipulation. J'ai l'ulcère des médias à cause de l'intoxication. Des dieux donnés, cloués au pilori. Des patrons chefs d'état comme Monsieur Berlusconi. On nous vante, Obama est ton sauveur. On se plaît au nasme, plaît en zaz sans saveur. Qu'on est tous nés pour être des stars. The Voice sous la présidence de Joe Star. Que de tentations pour quelques liasses. Putain, c'est de la nécrologie, tout le monde y passe. On se fourvoie, cala te foudroie. Si tu sers le shaitan, vas-y garde ton pourvoir. J'arrive du Sénégal mais en dracar. Oyo bourg noir, c'est le point de vue de Dakar. Le clou du spectacle pour ce carnaval. Des musulmans qui votent FN pour Alain Soral. C'est le carnaval, le carnaval. C'est le carnaval, le carnaval. Faites tomber les masques, des fleurs sur des casques. Le paix et des jeux pour le carnaval. Le carnaval, le carnaval. C'est le carnaval, le carnaval. Faites tomber les masques, des fleurs sur des casques. Le paix et des jeux pour le carnaval. Du me shkoj tekste jo me tregula me koc për thejnë fjallët e mija. Si tritori sot në venin tim, shumë të në tjenë të fëqishëm sa i sot në venin tim. Aty ku pa drejtësi vdesim blot. Premtimet shkoj në vin, lek në gjepat e ty në rin. Pushtetet shkoj në vin, problemet po mi shpin bin. Po shpin ta të vin dhe po të jetën po të nëzin. Po hajt më rrim drim, drima në patalona dhim. Shkun 25 vjet i vet një popull që s'ka shtet. Që ka më shumë njerës në grupet se san tok vet. Që ka mafios në parlament më shumë si deputet. Doktora, likina meritojnë vetëm me vdek. Një dit do plas të filloj efekti mas ta them sot. Plumi vret protestues, protestën se vret dot. Mut ma mbyllë shkojen, menimin s'ma nalë dot. Mut shko një orvigje e vërdet ato dali plot. C'est le carnaval, le carnaval. C'est le carnaval, le carnaval. Faites tomber les masques, des fleurs sur des casques. Le paix et des jeux pour le carnaval. Le carnaval, le carnaval. C'est le carnaval, le carnaval. Faites tomber les masques, des fleurs sur des casques. Le paix et des jeux pour le carnaval. Comme il y a de l'alté, money, money, money. Qui se trouve au sommet, crapule et gros bonnet. La famille c'est chic mais pas d'amis. Dans la politique, un milieu eugéniste où quasiment tout le monde se nique. C'est nique comme des rockstars, cyniques, bande de bâtards. Sexe, argent, pouvoir, taxes, discriminables. Raconte-nous des histoires, vu que t'es qu'un pantin. T'es lobby, t'es le larbin. Bref, tu seras rien, tes promesses du marketing. Mise tout sur le casting, le costume et le style. Joue les tsars comme Poutine, une imposture de plus. La vie n'est pas une publicité. Combien de conseillers pour masquer ton incapacité. Aucun moyen d'affaire tes cités, quoi. Toujours plébiscité, on devrait te lapider. Mais tu finis blanchi, prêt à récidiver. Parle pas d'authenticité, je vois que de la duplicité. Médias, finances et politiques, le même combat pour les mêmes c'est idées. C'est le carnaval, le carnaval. C'est le carnaval, le carnaval. Faites tomber les masques, des fleurs sur des casques. Le paix et des jeux pour le carnaval. Le carnaval, le carnaval. C'est le carnaval, le carnaval. Faites tomber les masques, des fleurs sur des casques. Le paix et des jeux pour le carnaval. Obama, Nyota, Afrique, Tokyo, Aibara. Wander Sunui, Etat-Unis, CIA, Dunyu, Mossad. Duna Khembaï, Internet, Toy, Nanganaï. Jum Tukayo, Harele Kaye, Lengdev, Sen Khe, Huay. Si yenen kibar push, Al Jazeera. Nisani talu push, Yala Al Jazeera. Hadawu, Hadavi, Tabaski, Hussein. Antan Rayel, Israel, Disaku, Ismael, Abre. Tiran Sireu, Amor, CDI. Maitrizar, Angélocide, Tisoga, Dem, CPI, Akrey. Nyune leni wek, Lichi, Illicite. Bay ma tabasama Afrique, Nak ma brik, sa G8. Vora, sin carnaval, Degize ou don, Anibal. Ni wo odo mon, Nulan, Kitiyep, don, Kanibal. Nisel, New Palestine, Nekhe, Won, Ariel, Sharon. Sun live, le New Jimbo, Wede, Bariel, Shalom. C'est le carnaval, le carnaval. C'est le carnaval, le carnaval.